Chapitre 14e. Angélique ne put pas attendre 8 jours pour retourner à Nières et connaître le sentiment de ses amis. Dès le lendemain, aussitôt après que M. Passereau fut descendu à Paris, elle se mit en route. Il lui fallait 1 heure pour aller, 1 heure pour revenir, 1/2 heure pour causer, en tout 2 heures et demie, qu'elle rattraperait le soir en veillant plus tard. Elle trouva ses amis chez eux, M. Limonier, l'agent habitendu sur une chaise à cause de sa renoncule. « Comment, voilà? Je n'ai pas pu vous parler hier. Je viens savoir aujourd'hui ce que vous en pensez. »« Justement, Aglaé et moi, nous n'avons fait que de nous entretenir de lui et de vous depuis hier. Alors, votre impression, je vous prie, toute franche. Vous m'obligerez. Ce que vous pensez. » Cependant, malgré cet appel à la franchise, elle était tremblante d'anxiété. « Il est très bien. Vous trouvez? Très bien. C'est un homme comme il faut, ça se voit de suite. » À la façon dont il m'adressait la parole, j'ai vu qu'il se connaissait en homme et qu'il avait l'usage du monde. Nous ne nous trompons pas là-dessus. Belle tenue, de la prestance, jolie fourchette. À chaque mot, elle relevait la tête en rayonnant. Il est un peu âgé, mais non. Si, il l'est, mais pour vous, qui êtes sérieuse, qui n'avez jamais été jeune, j'entends de caractère, ce n'est pas un défaut. Sous tous ces rapports, notre impression est donc bonne. Mais d'un autre côté, je crains, faut-il le dire, je vous en prie. Je crains qu'il ne soit pas intelligent. Pas intelligent, lui. Vous avez vu. Il n'a pas pu nommer la sainte, qui n'a pas besoin de jarretière. Mais vous me direz que cela n'est pas grave. Moi, mon avis est que pour un ménage aille bien, il faut que le mari ait de l'entrain, de la gaieté, de l'esprit. En un mot, qu'il soit un homme de société. Maintenant, peut-être est-il cela. Il aurait été intimidé, c'est possible. Pour moi, avant de le juger plus à fond, j'aurais besoin de le revoir, de l'interroger, sans qu'il s'en aperçoive. Bien entendu, de l'étudier. C'est comme pour ses capacités, je ne les vois pas. À quoi est-il propre? Que peut-il faire? Quelle est sa position? Quel est son avoir? Sans doute il viendra nous faire visite, nous verrons alors. Elle partit là-dessus, enchantée, mais en chemin, elle trouva qu'une simple visite ne serait pas suffisante. Et après avoir longtemps cherché, elle s'arrêta mieux. « Je pense que vous voudrez rendre à mes amis Limonier leur politesse, » dit-elle à son voisin. « Mais sans doute, un jour ou l'autre. Moi aussi. Sommes-nous ici, cela ne me sera pas facile. Alors j'ai pensé à une partie de campagne que nous organiserions ensemble et à laquelle nous les inviterions. Le temps est doux, on peut déjà aller à la campagne. Pas dîner, mais déjeuner. Cela vous déplairait-il? J'aime tant la campagne. Où diable voulez-vous aller? Mais je n'ai pas d'idée. À Robinson, à Joinville, à l'île Saint-Denis. Je ne connais pas ces pays-là. C'est très joli. » Il était sincère en disant qu'il ne connaissait pas ces pays-là. Ce fut justement pour cette raison qu'il accepta Joinville. S'il n'y avait jamais été, c'est que personne n'y allait. Mais il accepta que d'assez mauvaise grâce. D'abord parce qu'une promenade avec ces gens-là n'avait rien pour lui plaire. Ensuite parce qu'elle le mettait dans l'embarras. Si modeste que dût être une partie de plaisir, elle coûtait toujours quelque chose et en ce moment, toute dépense lui était interdite. Il est vrai que la question de la dépense ne l'arrêtait jamais. On verrait. D'ailleurs, ce serait une affaire à régler avec elle plus tard, puisqu'elle était de moitié dans l'invitation. Ce qu'il vit en arrivant le dimanche, à midi, à la gare du chemin de fer de Vincennes, qui était le lieu de rendez-vous fixé pour le départ, ce fut un porte-monnaie qu'Angélique lui tendit timidement. « Voulez-vous me permettre de vous demander d'organiser notre partie de plaisir, dit-elle, de commander partout, de payer? Moi, je n'y entends rien. Tout ce que je désire, c'est que cela soit bien. » Le porte-monnaie était assez pesant quand il put l'ouvrir pour prendre les billets. Il vit qu'il contenait 4 pièces de 5 francs en argent et environ 12 francs en monnaie. 30 francs pour une partie de plaisir qui devait être bien, c'était maigre. Cependant, en manœuvrant adroitement, cela serait peut-être assez. Un déjeuner ne devait pas coûter cher à Joinville. En tout cas, la satisfaction d'être tiré d'embarras était assez vive pour l'emporter sur cet ennui. En somme, il avait 30 francs dans sa poche et c'était lui qui commandait, qui payait. Cela le mit de belle humeur et lui fit accepter les limoniers gaiement. Au lieu de les traiter en gens ennuyeux, on pouvait les regarder comme des êtres drôlatiques, comme des comiques. C'était simplement un autre point de vue. Et ce fut à ce point de vue en effet qu'il se plaça, si bien qu'en chemin de fer, M. Limonier donna plus d'un coup de coude à sa femme. Est-ce que vraiment il était peu intelligent? Mais en s'asseyant à une table de la tête noire, il redevint sérieux. Il fallait être attentif au menu et ne pas se laisser entraîner à des dépenses dangereuses. À chaque plat que nommait le garçon qui semblait vouloir pousser à la consommation, Angélique faisait des signes affirmatifs, désireuse évidemment d'offrir à ses invités tout ce que leur proposait. Une bonne friture, une andouillette grillée, une tranche de jambon, une tête de veau vinaigrette, des rognons sautés, un chateaubriand aux pommes, un bon château, avec cela une omelette fines herbes, une salade aux œufs, pour dessert. Mais M. Passereau interrompit ses litanies, et du ton d'un homme qui s'est commandé, il ordonna un déjeuner beaucoup plus simple, sans avoir égard au coup d'œil qu'Angélique lui adressait et aux airs de pitié du garçon. À vue de nez, ce menu devait lui laisser une certaine somme pour le retour. Mais au début du déjeuner, il eut une émotion. M. Limonier ne mettait pas d'eau dans son vin et il buvait sec. Comment ne s'était-il pas rappelé cela? Il eût été plus circonspect encore dans son menu. Il se garda d'imiter cette prodigalité et but aussi clair que possible. Il faisait une belle journée printanière, et des fenêtres de la salle dans laquelle on les avait servis, il voyait au loin les prairies et les berges herbues de la Marne, toutes verdoyantes sous les rayons du soleil. Sur la rivière passaient des équipes de canotiers qui s'entraînaient pour les prochaines régates qui allaient bientôt commencer. « Nous allons nous promener sur l'eau, » dit Angélique. « Nous promener sur l'eau ? » s'écria-t-il. « Nous ne sommes pas bien ici, nous dominons le paysage, nous n'avons pas froid. » Mais cette idée ayant été accueillie avec empressement, il dut se résigner. Après tout, cela ne devait pas coûter cher, une heure de bateau. Il n'en fut pas quitte pour une heure. Les femmes voulurent ramer. En arrivant en vue du viaduc de Nogent, elles voulurent aller jusque-là pour juger de l'écho sous la voûte. Puis il fallut faire le tour de l'île. Quand ils revinrent au garage, ils avaient 3 heures de bateau. Il fallut payer. M. Passereau avait sorti son argent du porte-monnaie et l'avait mis dans sa poche. Son compte fut facile à faire du bout des doigts. Il lui restait 3 francs et quelques sous. C'était plus qu'il en fallait pour prendre les billets de chemin de fer. Il était sauvé. Mais il avait compté sans la fraîcheur du soir. Angélique ne voulut pas que Mme Limonier, qui avait eu froid, rentre à Paris sans s'être réchauffée. « Monsieur Passereau va nous offrir un grog. » Il était impossible de dire non. Et cependant, il fallait garder 2 francs 40 pour le chemin de fer. Si Mme Limonier seule acceptait un grog, les choses s'arrangeaient encore. Mais M. Limonier n'était pas homme à donner sa part aux autres. Mais Angélique aussi avait froid. Tout était perdu. « Garçon, 4 grogs, » dit-il bravement. Son parti était pris. « Ah ça, » dit-il en sortant du café, « j'espère bien que nous n'allons pas prendre le chemin de fer. Voyez comme le temps est beau, la lune se lève, il y a des bois là-bas, c'est un plaisir de marcher. » Cette proposition désespérée fut acceptée. « Au reste, » dit Angélique, « si Madame Limonier est fatiguée, nous prendrons le chemin de fer à Nogent ou à Fontenay. » Mais à Nogent, mais à Fontenay, M. Passereau célébra avec tant d'enthousiasme le plaisir de la promenade à travers le bois qu'il ne put pas être question de chemin de fer. Il était étourdissant, il parlait, il riait, il faisait rire, il racontait des histoires, il donnait le bras à Mme Limonier et à Angélique. « Bah, la nuit !» Et M. Limonier se disait tout bas. « Il est intelligent, il est intelligent. » À Vincennes, Angélique proposa sérieusement de prendre l'omnibus. « Gâter une si belle journée en la finissant en omnibus » s'écria-t-il. « Jamais !» Il entraîna, il remorqua les 2 femmes. « Pourquoi donc avez-vous tenu tant à nous faire revenir à pied ?» dit Angélique lorsqu'ils furent seuls. Pour toute réponse, il fouilla dans sa poche et montra les 22 sous qui lui restaient. « Et le porte-monnaie » dit-elle. « Il est vide, vous voyez. » Elle le prit, et ouvrant le fermoir d'une petite poche, elle montra un louis. Il se frappa la tête. « Ah ! Mes pauvres jambes ! S'écria-t-il, je les sens maintenant !»